La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Vendredi, il y aura lieu une grève mondiale de la jeunesse pour le climat. C'est un événement qui intervient après des semaines de manifestations et de grèves des jeunes dans le monde entier pour alerter sur la crise climatique en cours. La mobilisation de la jeune génération face aux problèmes environnementaux et à l'inertie politique prend de l'ampleur, au point d'ailleurs de trouver appui auprès de scientifiques et d'universitaires qui se joignent à eux dans l'appel à la grève en rompant justement le devoir de réserve qu'ils se sont souvent imposé. Dans un instant, je reçois deux étudiants et deux scientifiques de premier plan pour parler de ce mouvement pour le climat et la biodiversité. Et j'attends bien sûr vos messages, toutes vos questions, vos réactions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. De retour dans la tête au carré, à la une de la science aujourd'hui, un tout petit morceau de crâne. Oui, petit mais précieux Mathieu, un morceau attesté de crâne de Denisovien vient d'être découvert. Le très mystérieux groupe cousin des Homo sapiens et frère des Néandertaliens. On en discute dans un instant. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique, dossier donc de l'émission cet après-midi. Mes invités avec moi en studio à Paris, la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Bonjour. Et les étudiants Pimprenel Pouillot-Chevara et Hugo Viel, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis en duplex de Bordeaux, le biologiste Gilles Boeuf, bonjour Gilles. Bonjour. Hugo Viel, Pimprenel, Pouillot-Chevara, vous êtes tous les deux étudiants, vous appartenez à ce collectif Youth for Climate, ce mouvement d'engagement planétaire pour le climat, initié par cette jeune Suédoise Greta Thunberg, ainsi que la Belge Hanouna de Wever. Qu'est-ce qui va se passer, Hugo, exactement vendredi ? Alors, vendredi, dans la continuité de ce qui se passe depuis quelques semaines en France et à Paris, mouvement de grève internationale pour le climat par les jeunes. Donc il va y avoir une marche qui se déroulera partout en France sur le site internet de Youth for Climate. On a plus de 150 villes qui ont prévu de faire grève et de se mobiliser pour le climat en cette journée du 15 mars. Et on peut voir sur le site internet de Fridays for Future aussi que partout dans le monde, il y a des mobilisations qui s'organisent et je pense que c'est des centaines de milliers, des millions de jeunes qui seront dans la rue ce vendredi pour appeler les décideurs politiques et toute la société à avancer dans la transition écologique. Ouais, des jeunes et toutes les générations, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de gens justement qui viennent autour de vous. Pimprenel Pouillot-Chevara, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous mobiliser pour le climat et de participer à ce mouvement alors ? Alors ça, ma mobilisation dans ce mouvement, elle suit en fait... une mobilisation personnelle qui est déjà très ancienne. Ouais. Donc même si je suis militante, disons que depuis quelques mois, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc ça me semble tout à fait normal de continuer dans cette lancée. Qu'est-ce qui vous intéressait ? C'était la question climatique, la question environnementale au sens le plus large possible ? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc c'est bien tombé finalement. Vous êtes reconnue dans ce mouvement ? Tout à fait. Et vous êtes embarquée avec vos camarades. Valérie Masson-Delmotte, en tant qu'experte du climat, vous avez exhorté les lycéens et les étudiants justement à mettre un peu plus la pression encore. Ça vous réjouit, cette mobilisation mondiale ? Alors d'abord, je n'ai pas directement exhorté les étudiants et lycéens. J'ai été interpellée lors d'un débat à l'Université d'Angers avec des lycéens et de jeunes étudiants qui m'ont demandé comment faire en sorte que les décideurs prennent aujourd'hui la mesure de l'enjeu et mettent en place les actions à hauteur des enjeux. Et je leur ai expliqué que, à mon sens, la pression qu'ils pouvaient exercer était importante dans ce contexte-là. Je voudrais aussi préciser que j'ai expliqué que, à mon sens, on a préparé ce rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement global, qui montre à quel point chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Mmh. On l'a pas préparé que pour les gouvernements. Parce qu'en fait, au rythme actuel, on rentrera dans un monde 1,5 degré plus chaud d'ici à 2030-2050. C'est leur monde. Si on n'agit pas maintenant, ils vont faire face aux conséquences d'un réchauffement qui dépassera 1,5 degré. Le risque de perte irréversible d'écosystèmes, le risque de crise pour les plus fragiles, c'est leur monde. Et ensuite, si on n'agit pas maintenant, il faudra agir plus vite, plus fort, peut-être avec des options risquées, et ce sera aussi leur monde. Donc je pense qu'on a préparé ce rapport spécial pour eux. On va en discuter ensemble dans un instant, parce qu'il y avait évidemment tout le volet scientifique également qui est très important, et j'aimerais qu'on discute de ce lien aussi avec les jeunes générations. Gilles Boeuf, vous avez signé d'ailleurs avec d'autres scientifiques une tribune dans Le Monde pour dire que vous rompiez votre devoir de réserve et que vous feriez également aussi la grève scolaire pour le climat vendredi. Tout à fait. Il y a longtemps que je l'ai rompu le devoir de réserve, hein, parce que je me bats depuis pas mal de temps. Ça fait 15 ans que je fais des conférences en 3 langues, dans une vingtaine de pays, et je trouve que finalement on n'est pas suffisamment entendu. Tous les moyens doivent être utilisés, je suis tout à fait Valérie sur ce qu'elle disait à l'instant. Nous, le climat, c'est aussi pour moi qui m'occupe du vivant et de la biodiversité, les interactions, avec l'explication très claire des scientifiques qu'il n'y a pas que le climat qui ne va pas, mais il vient se surimposer à tout le reste, hein, la destruction systématique des écosystèmes, la pollution généralisée partout, la dissémination de tout partout, la surexploitation. Tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup, donc je pense que tous les mouvements sont les bienvenus, et pour moi, les jeunes sont essentiels, parce que c'est très injuste la situation qu'on vit aujourd'hui. J'étais l'autre jour à Paris pour le lancement du plan climat, avec cette banque du climat que l'on veut lancer avec nos collègues Larouturou et Jouzel. Et quelqu'un a dit à un moment, de toute façon, si nous on le fait pas, les jeunes vont le faire. À la condition qu'ils puissent encore le faire. Donc il faut vraiment qu'on leur prépare le terrain, qu'on continue le combat actuel. Et bien sûr, s'ils nous rejoignent, c'est encore beaucoup mieux. Allez, on se retrouve dans un instant pour en discuter. Puis vous qui nous écoutez, dites-nous ce que vous pensez justement de ce mouvement initié par la jeune génération, ce que vous pensez également de l'inertie autour du climat. Posez toutes vos questions à nos invités scientifiques. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Un petit bout d'os, une phalange de 40 000 ans, banale a priori. C'est dans ces montagnes qu'une équipe de chercheurs internationaux a fait l'incroyable découverte. Il s'agirait là des restes d'une autre espèce d'homme totalement inconnue. Avec cette nouvelle découverte, c'est une quatrième branche que l'on rajoute à notre arbre généalogique. Un quatrième homme, vieux sans doute d'un million d'années, deux fois notre âge. Et de cet homme, il nous reste tout à apprendre. Et ça, c'était en 2010. Et aujourd'hui, c'est un petit bout de crâne de l'homme de Denisova qui vient d'être découvert. Et c'est à la une de la science, Axel. Et oui, Mathieu, c'est un petit morceau de voûte crânienne déniché dans la fameuse grotte sibérienne de Denisova. C'est assez rare pour être souligné, car depuis sa découverte en 2010, les seules traces que nous ayons de ce groupe d'humains se résumaient à quelques dents, une phalange et un petit peu d'ADN. Pour en parler et pour comprendre cette fameuse quête du crâne, nous recevons par téléphone le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Bonjour Axel. Vous êtes en direct avec nous depuis l'Institut Max Planck à Leipzig. Alors ce petit morceau de crâne, il est vraiment petit, il fait quelques centimètres. Pourquoi est-ce qu'il était néanmoins important et attendu ? C'est-à-dire que chaque fragment découvert de Denisovien est important. On a très très peu de fossiles qui sont pour l'instant attribués à ce groupe donc, qui a été découvert en 2010. Alors, si on veut être précis, le morceau de crâne en question et sa découverte ont été annoncés par l'équipe de Bence Viola, mais ils ne seront dévoilés qu'à la fin du mois. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser ce fragment ou même de discuter avec les auteurs ? Ah, j'ai croisé Bence Viola plutôt que le fragment, mais donc j'ai pu discuter un peu avec lui de cette découverte. Alors, c'est vrai qu'aux yeux d'un profane, ça n'est pas un fossile très très spectaculaire. Hein. C'est un petit fragment de voûte crânienne, mais comme on l'a déjà dit, tous les restes qui sortent de cette grotte de Denisova, pour l'instant, sont des dents et puis un petit fragment de phalange d'enfant qui a été aussi identifié. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme science avec un si petit morceau, à part, bien sûr, faire de l'analyse ADN ? Bah, en fait, c'est surtout ça. Hein. Ah. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que, du point de vue de l'analyse morphologique des fossiles, le site de Denisova est quand même assez décevant. Hein. Mm-hmm. Alors, d'un côté, on a des informations extraordinaires sur le génome de ces hommes. Pourquoi ? Parce que c'est une grotte froide, une température basse qui conserve très bien l'ADN sur de longues périodes. Donc on a le séquençage complet de leur ADN. Mais voilà, elle a les défauts de ses qualités. Elle est froide, donc il y a ce qu'on appelle de la cryoturbation, hein, des bouleversements de couches liés au gel, au dégel, des mélanges. Et puis surtout, les carnivores y ont été assez actifs. Et donc, En gros, tout ce qui sort de cette grotte, en ce qui concerne les ossements en tout cas, fait rarement plus que quelques centimètres de long. Alors d'un point de vue physique, oui, on n'a pas grand-chose, mais vous l'avez dit, on a l'ADN. Est-ce qu'à partir de l'ADN, on peut dire quelles sont les périodes de l'histoire ou même les zones où l'on suspecte que Denisova ait prospéré ? Alors il y a deux choses très importantes que l'ADN nous apprend. D'abord, la position de ces hommes. Donc c'est un groupe frère, comme on dit dans le jargon, des Néandertaliens. Et ils se sont séparés des Néandertaliens il y a environ 450 000 ans, quelque chose comme ça. Donc après la séparation entre nos ancêtres à nous et puis ce groupe eurasiatique néandertalien et dénisovien. Puis l'autre information, c'est que, ça c'est quelque chose qui a beaucoup surpris les spécialistes, c'est qu'on trouve des traces de cet ADN de Denisovien dans des populations asiatiques et océaniennes actuelles. Et là, l'image est assez troublante parce que chez les habitants du Tibet, en particulier, il y a un gène qui permet l'adaptation à la haute altitude qui semble être hérité de ces Denisoviens. Mmh. Et puis surtout, c'est en fait en Australie, en Nouvelle-Guinée, qu'on trouve une contribution assez importante, de l'ordre de 4% d'ADN Denisovien dans des populations d'aborigènes. Valérie Masson-Delmotte, un petit mot sur le climat de l'époque, justement, hein, vous qui êtes paléoclimatologue. Alors, qu'est-ce qu'on sait du contexte environnemental de Denisova ? Je pense que c'est une question à poser à Jean-Jacques, parce que justement, c'est un des points qui est intéressant. Et quand on parle de variabilité passée du climat, il y a ce rôle important des grandes variations glaciaires-interglaciaires qui a planté le décor pour cette époque-là. Alors, Jean-Jacques Hublin, qu'est-ce qu'on sait ? Au long de ces 450 000 ans, disons 400 000, parce qu'ils ont disparu quand même au moment de l'arrivée des hommes modernes, au long de ces 400 000 ans, il y a eu des fluctuations très très importantes du climat, des grands cycles d'à peu près 100 000 ans, avec des épisodes froids en général, et puis de temps en temps un pic glaciaire assez intense, et puis aussi des épisodes plus tempérés, et des pics tempérés, voire un peu chauds de temps en temps. Soit en passant, leurs frères néandertaliens, qui étaient plutôt des populations de l'ouest de l'Eurasie, ont fait quand même une excursion jusqu'à l'Altaï, là-bas, jusqu'à Denisova, lors du dernier grand interglaciaire, il y a environ 120 000 ans, 110 000 ans. Voilà, ils se sont rencontrés. Je reviens à cette présence d'ADN néandertalien dans les populations actuelles. Évidemment, la conclusion de cette observation, c'est qu'il a dû exister des Denisoviens loin de l'Altaï, dans le sud de l'Asie, sur le chemin des populations d'Homo sapiens qui sont arrivées jusqu'en Australie. Parce que c'est quelque part dans le sud de l'Asie, ou dans le sud-est asiatique, ou en Indonésie, que s'est produit cette absorption de populations denisoviennes chez les ancêtres des Australiens. Allez, dernière question, oui. Très très vite. Justement, Jean-Jacques Hublin, on l'attend maintenant, ce crâne ou ce squelette de Denisova. Est-ce qu'on va le trouver en Asie ou alors quand même en Sibérie ? Vous pensez qu'il faut le chercher où ? Alors moi, enfin, je vais peut-être décevoir un petit peu mes collègues qui sont pas très loin de mon bureau là. Je suis assez sceptique sur la perspective de trouver un crâne ou quelque chose de très important dans la grotte de Denisova pour les raisons que j'ai données. Maintenant, je suis persuadé qu'on a déjà des Denisoviens, c'est-à-dire qu'une grande partie des fossiles qui ont été trouvés notamment en Chine et qui datent de 100 000 ans, 200 000 ans, cette fenêtre de temps entre la séparation des Denisoviens et puis l'arrivée des hommes modernes en Asie, ces fossiles-là sont des Denisoviens. Et d'ailleurs, certains d'entre eux présentent des caractères qui ne sont pas des caractères de Néandertaliens, mais qui rappellent un peu les Néandertaliens. Et dans le fond, c'est ce qu'on s'attend à trouver dans un groupe proche des Néandertaliens. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la capacité d'identifier certains de ces fossiles comme des Denisoviens grâce à des arguments moléculaires, de l'ADN, autre chose, des protéines anciennes, quelque chose comme ça. Et je pense que ça va arriver. Et on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, si ça se produit. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hublin, de votre coup de fil. Et puis, on se retrouve demain à la Une de la Science, Axel. Demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, un pas de plus vers la transparence en matière de glyphosate. Les études jusqu'à maintenant confidentielles sur la toxicité du pesticide menées par les industriels devront être rendues publiques. C'est le tribunal de l'Union européenne qui vient de prononcer ce jugement important, estimant que le public devait avoir accès non seulement aux informations sur les émissions, mais aussi sur les conséquences à plus ou moins long terme. Un site sacrificiel qui bat tous les records de cruauté, 140 corps d'enfants âgés de 5 à 15 ans et ceux de plus de 200 lamas ont été retrouvés sur un site au Pérou. Selon une étude américaine de l'université de Tulane, tous ces enfants et ces animaux ont succombé lors d'une même cérémonie religieuse. Leur sternum était tranché en deux, leur cœur arraché. Cet acte d'une barbarie unique a été pratiqué par la civilisation Chumi en 1450, juste avant qu'ils n'entrent en guerre contre les Incas. Le CERN ne plaisante pas avec les chercheurs misogynes. Le consortium sur les recherches nucléaires basé à Genève a décidé de clore tous les contrats le liant au physicien Alessandro Strumia en septembre dernier. L'intéressé avait lourdement dérapé lors d'une table ronde, affirmant en substance que les femmes n'avaient pas leur place dans le monde de la physique, tout en déplorant une féminisation par quota. Le CERN est dirigé depuis 2016 par l'italienne Fabiola Gianotti. Et puis pour terminer, notez que c'est la semaine du cerveau qui commence aujourd'hui. Partout en France, des rencontres, des conférences et des débats sont organisés dans de nombreuses villes, mais également en ligne. Et pour rencontrer les scientifiques qui cherchent à savoir ce que nous avons dans le crâne, rendez-vous donc sur la semaine du cerveau.fr et nous allons largement en reparler tout au long de la semaine. Allez, les jeunes et le climat, dossier de l'émission dans un instant. Out of sight, I'll be forgiven. In the forefront, I'm forced to break away. I'm trying to be someone, but I don't even know what that means. I'm trying to do something, but I don't even know what that is. How cold must you be to do the things you do? Out of sight. Out of sight, c'était Chelou. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, les jeunes se mobilisent et vendredi aura lieu donc cette grève mondiale après des semaines de manifestations et de grèves de jeunes partout dans le monde. C'est donc le dossier de la tête au carré cet après-midi avec mes invités, Pimprenel Pouillot-Chevara. Vous avez donc 19 ans, vous êtes étudiante en biologie et en géosciences à Sorbonne Université et vous êtes membre donc de ce collectif Youth for Climate. Hugo Viel, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant dans une école d'ingénieurs en énergie et environnement à Paris et vous êtes un des référents justement pour Youth for Climate en France. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, dans ce laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et vous êtes coprésidente du groupe numéro 1 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et puis en duplex de Bordeaux, des studios de France Bleu Gironde, se trouve Gilles Boeuf, biologiste marin et de la biodiversité, professeur à Sorbonne Université. Et vous êtes président, Gilles Boeuf, du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Et pour commencer justement cette discussion ensemble, écoutons la voix de Greta Thunberg. C'était au moment de la COP24, le 14 décembre dernier. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Je m'appelle Greta Thunberg. J'ai 15 ans et je viens de Suède. Beaucoup de gens disent que la Suède est un petit pays et que ce qu'on y fait n'a pas d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde, simplement en n'allant pas à l'école, alors imaginez ce que nous pourrions faire en nous mettant tous ensemble, si on le voulait vraiment. Mais pour faire ça, il faut parler très clairement, même si ça doit être désagréable. Notre civilisation a été sacrifiée pour le profit d'un petit nombre de personnes qui continuent de gagner d'énormes sommes d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que de riches personnes dans des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier nos dirigeants de prendre soin de la planète. Vous nous avez ignorés dans le passé et vous continuerez de nous ignorer. Nous n'avons plus d'excuses et nous n'avons plus de temps. Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement arrive, que vous le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient aux gens. Merci. Voilà, la voix de Greta Thunberg, donc le 14 décembre dernier, à la COP24. Hugo et Pimprenel, je vais commencer par vous. Est-ce que ça a été justement un message qui était à l'origine de toute votre mobilisation ces dernières semaines, Pimprenel? Alors selon moi, Greta, c'était un tremplin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Greta, il y a eu les marches pour le climat d'octobre, de décembre, celle de septembre qui a suivi la démission de Nicolas Hulot, et puis il y a des associations qui depuis des années se mobilisent pour faire bouger les choses. Donc je pense que Greta, ça a été surtout un tremplin pour les jeunes qui se sentaient concernés, mais qui n'arrivaient pas en fait à se regrouper pour faire quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'il manquait une figure un petit peu qui incarnait cette mobilisation. Peut-être. Ouais, Hugo. Oui, je pense que ce qu'a fait Greta, donc déjà c'est parti d'un sentiment personnel, d'une action personnelle, de faire la grève devant le Parlement suédois tous les vendredis. Et ensuite, ce qui est fort avec elle, c'est que elle dit les choses de manière très claire, très simple. Et ce qu'elle dit, c'est tout le monde peut le comprendre en fait. Et ça nous interpelle aussi parce que c'est un message très fort qu'elle porte. Et du coup, on arrive, nous, en tant que jeunes, surtout, elle avait 15 ans quand elle a dit ça, aujourd'hui, ouais. Elle en a 16. Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de lycéens, de collégiens qui s'identifient à cette figure. Et je trouve ça formidable que, elle porte la voix un peu de la jeunesse, de notre génération. Et j'aurais aimé avoir sa maturité à son âge. Ouais, mais vous l'avez rencontrée, hein, justement. Oui, je l'ai rencontrée à la COP24, je l'ai rencontrée vendredi le 22 février. Ouais. Du coup, on avait passé l'après-midi ensemble. Et c'est vrai que elle est d'une maturité qui est impressionnante, mais c'est aussi la maturité qu'on nous impose d'avoir. Hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de gérer des problèmes de société, alors qu'avant, il y a des dizaines d'années, les jeunes n'étaient pas forcément obligés de se battre autant pour leur avenir, pour leur futur. Hein. Ouais. Valérie Masson-Delmotte, quand vous avez entendu justement cette déclaration, cette vidéo qui a vraiment fait le tour du monde, qu'est-ce que vous avez ressenti finalement, vous, en tant que climatologue aussi? Je ne vais pas parler en tant que climatologue, je vais parler en tant que personne. Quand on regarde les négociations sur le climat, c'est une forme de théâtre et chacun joue un rôle. C'est par exemple le rôle des négociateurs de chaque pays. Mmh. Il y a aussi un peu un bal des vanités. Elle m'a frappée parce qu'elle avait un discours qui était, je trouvais, très lucide, responsable et profond. dans ce bal des vanités. Et ça fait du bien, finalement, au milieu de ces négociations, qui peuvent paraître très sèches, d'ailleurs, pour le grand public, hein, d'entendre cette voix. Son analyse m'a fait penser au discours de la Boétie, discours contre la servitude volontaire qu'il avait écrit à l'âge de 18 ans et qui dénonçait finalement une forme de complaisance à l'époque, qui laissait la place à des gouvernements autoritaires qui ne gouvernaient pas pour le bien commun, mais pour une petite partie des gens. J'ai fait cette analogie parce que certains suggèrent qu'une jeune fille de 15 ans, 16 ans, ne peut pas avoir cette profondeur de réflexion. Et la Boétie avait 18 ans quand il a écrit ce texte. Gilles Boeuf, un mot aussi sur cette figure. Il y en a d'autres. Il y a Hanouna de Vever aussi, qui est l'autre grande incarnation du mouvement du côté de la Belgique. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes? Pour un écologue superbe, ce ne sont pas les premières. On a eu déjà des gamins qui s'étaient exprimés au cours des grandes conférences internationales, je m'en rappelle, au niveau des grands événements de Rio, par exemple. Mmh. Et ce qui est fabuleux, c'est, je suis d'accord avec ce que dit le jeune garçon tout à l'heure. Hugo, voilà. Il y a une maturité, il y a une réflexion globale. Puis elle dit ce qu'elle pense. Moi, ça me va très très bien. C'est clair, c'est direct. Et ça me rappelle quelque chose qu'Einstein disait, en fait. Le monde ne va pas mal des méchants et des stupides. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Et quand c'est une gamine de 15 ans qui va nous le rappeler, c'est génial. Je suis très admiratif. Ouais. Est-ce que quand même ça fait pas un peu mal aux scientifiques que vous êtes, parce que vous portez des messages depuis très longtemps, sur l'incapacité justement d'être entendu aussi? Mais l'un n'empêche pas l'autre. On le fait. On n'est pas entendu, c'est clair. Ça fait un bout de temps qu'on prêche dans le désert, dans le semi-désert. On me disait récemment, votre discours s'est modifié, vous êtes un peu plus virulent qu'auparavant. Ça fait un bout de temps qu'on le crie partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est relié par une génération qui n'a pas les mêmes outils que nous. Juste, vous allez rigoler, Mathieu, parce que moi, je parlais justement de la tête au carré et de Facebook. Mais quoi, mais Facebook, c'est des vieux, ils ont 30 ans. Voilà. Alors moi, j'ai pris un coup de vieux, mais c'est génial. Parce que il faut qu'on soit relié partout. Si je sais que Mathieu, vous m'avez présenté des youtubeurs aussi qui, quand ils s'expriment sur des vérités scientifiques qui sont solides, nous font un bien fou. Et encore une fois, il va pas falloir effectivement attendre qu'eux changent, il faut que nous, on les aide à changer. De toute façon, elle l'a dit, cette jeune fille, nous n'avons plus le choix aujourd'hui. Et devant aujourd'hui le court-termisme dans lequel l'on vit, eh ben c'est la seule solution pour faire ceci. Le changement viendra du bas, pas du haut. Valérie Masson-Delmotte, vous souhaitez réagir? En fait, moi, je me félicite vraiment qu'il y ait cette appropriation des enjeux scientifiques et aussi de l'urgence à agir partout, en fait. Hein. Donc, Greta, c'est celle qu'on met en avant aujourd'hui. Ouais, mais pour la préparation des rapports du GIEC, j'ai l'occasion d'être invitée dans différents pays. À chaque fois, je demande qu'il y ait une rencontre avec, typiquement, les étudiants de l'université ou de lycées locaux. Mmh. Et cette prise de conscience, elle est partout, vraiment partout, dans tous les pays. C'est assez impressionnant. Et il y a cette forme de lucidité qu'ont les jeunes de se dire, mais voilà, nous, on nous apprend un peu de choses sur la biodiversité, sur le climat. Il y a ce qu'on observe autour de nous. Et puis, il y a toutes ces contradictions où, finalement, beaucoup de décisions qui sont prises au quotidien par les décideurs sont orthogonales à ce qu'il faudrait faire pour porter les solutions qui existent. Mmh. Et cette lucidité, parfois, on la perd quand on grandit en âge. Vous parliez de la semaine sur le cerveau. Alors, il y a cette chose qui est bien connue, en fait, qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire, vous savez des choses, vous les mettez dans un coin, vous les ignorez complètement et vous utilisez d'autres grilles de valeurs, d'autres priorités dans vos décisions quotidiennes. Mmh. Et je pense que la jeunesse aide à être beaucoup plus lucide par rapport à ça et à chercher à réconcilier ces enjeux de long terme avec les décisions de court terme. Hugo, quelle place a la science finalement dans la démarche de cette jeune génération aujourd'hui? Parce qu'on a pu reprocher à certains de vos camarades justement d'être très approximatifs sur les questions scientifiques liées au climat, et ça a été un objet de critique d'ailleurs, hein, une ouverture facile pour les opposants à vos mouvements. Bien sûr, c'est facile de dire à des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans, bah, vous connaissez rien. Vous parlez sans savoir de quoi il est question, en fait. Mmh. Et qu'est-ce que vous répondez alors à ça, du coup? Aujourd'hui, nous, on n'est pas en train de faire des annonces scientifiques. Il y a Valérie, il y a Gilles qui s'occupent de ces choses-là. Nous, on est là pour demander d'agir. On est là pour dire, bah, voyez, il y a un gros problème aujourd'hui. Tout le monde vous le dit depuis des dizaines d'années. Et il ne se passe rien. Alors notre rôle, c'est pas d'expliquer ce que va faire un réchauffement à 1,5. Hein. Maintenant, en plus, il y a eu une publication et tout le monde peut y avoir accès. D'ailleurs, pour ceux qui le savent pas encore, ça a été traduit en français par des citoyens. Donc vous avez accès au rapport en français sur Internet. Et oui, donc on peut pas tout savoir, on n'est pas tous scientifiques. Et c'est pas notre nous, on est là pour porter le message, en fait, des scientifiques. Je pense que c'est vraiment c'est complémentaire, exactement, c'est tout à fait complémentaire. Mais ensuite, il y a aussi un vrai manque dans l'éducation, justement, de ces questions-là. Mmh. Parce que on peut, là, aujourd'hui, on en parle, mais, et ça rebondit sur ce que, sur l'annonce que Monsieur Blanquer a fait ce matin, de parler de, d'écologie, d'environnement, à l'école. Il a annoncé des débats sur le climat dans tous les lycées vendredi. Alors, il y en aura peut-être d'autres après, hein, en tout cas, vendredi pour cette journée de mobilisation. Mmh. Et comment vous accueillez cette proposition de la part du ministre de l'Éducation? Déjà, c'est une bonne chose qu'ils se décident enfin à vouloir parler d'environnement, de changement climatique et comment on règle ces problèmes-là. Ouais. Pourquoi ça arrive que maintenant ? Ouais. J'ai envie de dire, parce que le problème, on le connaît depuis un moment. Mm-hmm. Et ensuite, peut-être que M. Blanquer a loupé l'info, mais il y a une mobilisation très importante ce vendredi. Ouais. Donc, c'est pas le moment d'aller débattre dans les lycées, c'est ce que vous dites. C'est un mauvais choix. C'est pas ça que je dis, en fait. Ce que je dis, c'est que il y a deux formes, en fait. Là, il y a la forme de la mobilisation. Donc, c'est une mobilisation citoyenne. Donc, qui fait appel au fait que chaque jeune personne est un citoyen et a son mot à dire sur comment va la société et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et il y a la deuxième chose qui est le débat d'idées, donc dans un cadre scolaire, etc. Et ces deux choses-là sont très, très complémentaires. Donc, ensuite, moi, ce que je voudrais dire à Monsieur Blanquer, c'est très bien qu'on en parle, mais faut pas en parler qu'une seule journée, faut en parler tout le temps à l'école. Ça doit être un socle commun à tous les sujets dont on parle dans les lycées. Mais du coup, on peut faire en sorte que la mobilisation de vendredi se passe bien et que tout le monde puisse y aller, puisse exprimer sa citoyenneté. Et du coup, pour ça, moi, j'aurais envie de dire à M. Blanquer, faisons les débats, mais la semaine prochaine, parce qu'on va beaucoup parler de ces choses-là, de ces thématiques, ce vendredi. Donc, on va pouvoir faire un débrief la semaine prochaine. Très bien. Bonne idée, en tout cas, pour prolonger un petit peu la suite. On revient à Valérie Masson-Desmottes dans un instant sur la question de l'éducation. Juste, Pimprenel, je voulais vous poser cette question du soutien des scientifiques, parce qu'ils ont signé des tribunes, ils sont là derrière vous, vraiment. Est-ce que c'est important pour vous de les sentir aussi à vos côtés, scientifiques, universitaires? Évidemment. Mais de toute façon, tout ce mouvement, il s'est construit, je dirais, à quatre mains. C'est les jeunes, les étudiants d'un côté et les scientifiques de l'autre. Mmh. Nous, sans tous les travaux, les publications des scientifiques, on n'aurait pas de matière, on n'aurait rien du tout. Et comme disait Hugo tout à l'heure, les scientifiques ont les informations, ont fait les études, et nous, on est là pour faire entendre notre volonté, faire entendre notre voix. Mmh. Valérie Masson-Desmottes-Claude nous envoie un message. Est-ce qu'on pourrait pas rétablir par l'enseignement, par l'éducation, les sciences naturelles qui sont la base des connaissances des milieux naturels? C'est ce que vous préconisez, évidemment. Alors, Gilles et moi, nous avons tous les deux signé un appel à renforcer l'éducation par rapport au changement climatique et à la biodiversité. Il faut bien souligner qu'on a eu récemment des nouveaux programmes au collège. Il n'y a rien sur le changement climatique. Ouais. Là, il y a la construction des nouveaux programmes de lycée. En seconde et en première, il n'y a quasiment rien. C'est consternant quand même. Donc, ce n'est pas une journée, une fois, dans un temps scolaire, pour une seule génération, d'en parler pendant quelques heures. Il y a des enjeux à transmettre les connaissances. Qu'est-ce que c'est le changement climatique? Le fait qu'aujourd'hui, le 1 degré de réchauffement, depuis la fin du 19e siècle, c'est dû à l'influence humaine. Ça n'est pas enseigné en France. Quels sont les risques et quels sont les enjeux du changement climatique pour l'adaptation? Créer une culture de gestion de risque. Il y a plus de 60% de la population française, chiffre du ministère de l'Environnement, exposée aux conséquences graves, potentielles, du changement climatique. Donc il y a besoin de créer une culture du risque. Quelles sont les causes? Les ordres de grandeur, l'importance de l'énergie ou de l'alimentation? C'est pas enseigné. Donc comment voulez-vous que les citoyens aient des repères dans leur vie personnelle, mais aussi par rapport à des choix collectifs? Et enfin, il y a des enjeux de transformation. Donc il y a un enjeu aussi d'éducation, d'une éducation qui ne soit pas passive, mais une éducation donne des leviers d'action, une éducation par projet. Il y a par exemple tout ce qui touche au projet des éco-délégués, l'éducation au développement durable, mais il y a un manque de moyens qui est énorme. Voilà, donc en fait, si on voulait vraiment faire de l'éducation un levier de transformation et de transition, il y a un potentiel pour changer les choses maintenant. Et c'est pas simplement un débat une fois, c'est partager les connaissances et donner des clés de compréhension et d'action aux jeunes générations, depuis le plus jeune âge jusqu'au supérieur. Et aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur de ses engagements. C'est un des articles de l'accord de Paris. C'est un des objectifs du plan national d'adaptation au changement climatique. C'est un des objectifs du développement durable, renforcer l'éducation au changement climatique. Et on n'est pas à la hauteur. Gilles Boeuf, vous confirmez évidemment. On est intervenu avec Valérie il n'y a pas très longtemps. Vous savez, il y a deux choses. Il y a les connaissances qu'évoquent nos amis Hugo et Pimprenel. Mais la chose la plus importante, c'est de développer l'esprit critique. Hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument que nos jeunes soient capables de faire des choix. Nous sommes dans un monde effroyable de fake news, excusez le terme, de conneries diverses et variées que l'on voit partout. Ce n'est plus possible. Alors, les scientifiques font un état de l'art, la revue The Conversation y contribue par exemple beaucoup, mais il faut que ceci contribue à le doute. En fait, qu'est-ce que fait la science finalement? Avec nos connaissances d'aujourd'hui, On a ce qu'il faut pour agir, on ne nous reconnaît pas encore assez. Oui, on avance, mais cette culture du court-termisme qui va enterrer tout ça, et aujourd'hui on n'arrivera pas à faire ça, si nos jeunes sont privés de sciences de la vie, de sciences de la, sciences de la terre au lycée. L'écologie, il faut la commencer à l'école maternelle, y compris jusqu'à l'école nationale d'administration. Alors Hugo, une réaction. Oui, et justement sur le développement de l'esprit critique, ça me fait penser à ce que justement avait dit Greta, où en fait, qui disait, on dit, finis tes études, deviens scientifique et après tu pourras parler. Mais justement, le problème, c'est que on peut faire les deux en même temps. On peut faire des études, on peut être critique. Et tout l'intérêt de ça, comment dire? Bon, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est de s'engager. Hein, le droit à la parole, le droit de s'exprimer, même si les connaissances scientifiques sont pas encore là. C'est peut-être ce que vous vouliez dire. Et c'est exactement ça. Et c'est super important en tant que citoyen de pouvoir porter la parole. Hein. Oui, et puis si tous les jeunes qui étaient dans le mouvement aujourd'hui attendaient d'avoir fini leurs études et d'être scientifiques, donc d'être chercheurs, pour parler, enfin, ce serait impossible. On a clairement pas ce temps, on n'a plus ce temps en tout cas. Allez, deux messages avant de faire une petite pause. Marjolaine nous dit, ma fille co-organise la manifestation de Metz. Elle est triste car de nombreux parents ne veulent pas laisser leurs enfants faire grève. Que dire à ces parents qui pensent à court terme? Quelle importance de manquer les cours un après-midi par rapport à l'avenir compromis de leurs enfants? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Valérie Masson-Delmotte, il y a aussi des parents qui se demandent à quel âge est-ce qu'il est admis de manifester pour le climat. Il y a la question des mineurs aussi qui se pose. Alors, à titre personnel, moi je n'ai pas choisi d'apporter explicitement un soutien à l'appel à la grève. J'ai deux jeunes filles, ouais. dont une mineure. Ça ouais. donne lieu à des discussions intéressantes. Je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité par rapport aux risques que peuvent rencontrer des mineurs quand ils sont dans la rue, sur des manifestations collectives. Donc je n'apporte pas moi explicitement en tant que personne et en tant que scientifique cet appel-là. Je note qu'au Royaume-Uni, par exemple, les parents ont écrit le mot d'excuse suivant. L'école est obligatoire quand on est mineur, sauf circonstances exceptionnelles. Le dernier rapport du GIEC indique que pour contenir le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait diviser par deux les émissions mondiales de CO2 d'ici à 2030. Il me semble que c'est une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, les objectifs de l'éducation sont de construire une éducation à la citoyenneté. Des mouvements d'initiative de la jeunesse contribuent à cette éducation à la citoyenneté. Donc je cite cet exemple britannique. Hugo ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est génial. Mais pour rebondir sur le fait qu'il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants aller faire la grève, j'ai envie de dire à ces parents, eh bien, allez-y avec eux. Allez-y et surtout, continuez ce message, continuez d'en parler entre vous. Mmh. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas que la jeunesse. On est tous ensemble dans cette situation. Et c'est pas que les jeunes qui doivent se manifester. C'est l'ensemble de la population. Et c'est ce que nous dit Julien dans un message. En tant que parents, nous les accompagnerons volontiers sur cette démarche et dans ce combat. Et moi, le vendredi matin, je serai dans un lycée de Paris à la demande d'élèves. Et avec votre fille ou pas alors? Non, mais moi je suis invitée pour justement un moment d'échange et de réflexion dans le temps scolaire. Et là, je suis légitime dans mon rôle de scientifique, justement pour ce partage de connaissances. Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion et vos messages sur franceinter.fr. Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide. Perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent. Toutes les saveurs de la ville, qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées. S'élançant comme une rivière, pressé de rejoindre son cœur. Comme un marin sur une plage. les bruits de la ville. C'était Voyou et Yel. La tête au carré sur France Inter. En tête de cortège, le symbole européen de cette mobilisation des jeunes pour le climat, Greta Thunberg, 16 ans. When I first started striking, I... Quand j'ai commencé ce mouvement de grève scolaire, explique-t-elle, je ne m'attendais à rien de spécial. Je me disais que je verrais bien ce qui arrivera, mais jamais je n'aurais imaginé que ça deviendrait si gros. C'est incroyable, je suis surprise à chaque fois que je vois un jeune en grève. À l'évocation du prénom de la jeune suédoise, lycéens et étudiants ne cachent pas leur admiration comme Léa, âgée de 15 ans. C'est elle qui m'a motivée en fait. Je me rends compte maintenant que... Avant, je faisais rien du tout et que c'est elle qui m'a motivée et que c'est bien qu'elle ait fait ça et qu'on devrait tous faire ça. Je sais pas si ça sert à grand chose que je sois là, mais en tout cas, j'ai pas envie de rester les bras croisés sans rien faire. Une pancarte dans les mains, Camille, 18 ans, se réjouit de voir une telle mobilisation. Petit à petit, on va dans les flacons, on sensibilise le plus de personnes possible. Ça se fait dans par nos cercles d'amis, par le bouche à oreille. Donc là, déjà, il y a beaucoup plus de personnes que la semaine dernière. On a au moins doublé le nombre, je pense. Donc c'est déjà pas mal pour une deuxième mobilisation en seulement deux semaines. D'ici le 15 mars, on sera de plus en plus nombreux et le 15 mars, je pense que ça va être assez massif. Un gros millier de personnes, pas mal pour un vendredi d'entre deux zones de vacances scolaires, mais la France reste encore loin derrière ses voisins européens. En termes de participation, ils étaient 7500 hier dans les rues de Bruxelles. Alors Hugo Pimprenel, vendredi prochain, vous sentez comment les choses là sur la mobilisation justement? Je sens une effervescence sur les groupes de Youth for Climate. Jusque-là, il y avait beaucoup, on entendait beaucoup parler de Paris, même s'il se passait des choses dans les autres villes, mais du coup... c'est vrai que sur tous les channels de communication, on sent vraiment que tout le monde est prêt, tout le monde s'est préparé pour cette journée de mobilisation et je pense qu'on sera au rendez-vous. C'est quoi? C'est le hashtag 15 mars pour en savoir plus? 15 mars, Youth for Climate. Et il y a des Marseillais qui nous écrivent, ce sera le rendez-vous à 10h30 sous l'ombrière du Vieux-Port vendredi, mais il y en aura partout en France et dans le monde évidemment. Et Pimprenel, vous me disiez en antenne que vous avez rencontré des très très jeunes gens qui étaient mobilisés sur cette question. Oui, alors le 22 février dernier à la Bourse du Travail, après la mobilisation, on a fait une AG discussion avec toutes les personnes qui étaient présentes. Et on a eu un petit garçon de 8 ans qui nous a présenté sa pétition, qu'il a fait circuler dans les rangs et qui est d'ailleurs qu'on peut trouver en ligne. Et le titre qu'il lui a donné, c'était « Pourquoi détruire la nature si on sait que si on la détruit, ça nous détruira aussi ?» Donc je pense que si les enfants de 8 ans s'y mettent, c'est qu'il est temps de faire quelque chose. Mais c'est bien en même temps qu'on soit sensible à ces questions-là. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Julie nous dit « Je suis très heureuse de ces réactions lorsque j'avais leur âge dans les années 75 en région parisienne. Je souffrais de voir toutes ces voitures polluer l'air devant ma maison et sur le chemin du collège. Je me sentais seule avec cette préoccupation. Maintenant, c'est eux qui agissent avec leur fraîcheur, leur jeunesse. Ils feront bouger les choses. Bravo !» Lola nous dit « Ce que j'entends, ce que je n'entends pas dans les messages de ces jeunes, c'est comment leur génération peut changer dans leur propre façon de vivre et surtout dans leur façon de consommer. Même chose de la part de Fabrice. C'est très encourageant de voir ces mobilisations des jeunes pour le climat. Mais sont-ils prêts à changer leur mode de vie, consommer moins, s'alimenter bio ou local, si c'est plus cher et faire des sacrifices sur leurs dépenses et revoir la façon de se déplacer? On vous interpelle beaucoup là-dessus, Hugo? Oui, c'est toujours la question qu'on pose. Et c'est un peu, je pense, histoire de dire, pourquoi vous nous embêtez avec ça? Est-ce que, commencez par vous et puis après vous pourrez nous donner des leçons. Alors justement, oui, on fait des efforts. Enfin, toutes les personnes que je vois dans la rue sont conscientes de la situation, essayent de faire des efforts. Moi, à titre individuel, par exemple, je suis végétarien, j'essaye de consommer bio, local, au maximum. Faire attention à la façon de se déplacer. Mais il y a aussi, et justement, c'est sur la dernière partie du message, payer un peu plus cher pour avoir du bio, pour consommer local, etc. Justement, c'est ça qu'on veut changer. Pourquoi on est dans cette situation totalement illogique que ce soit moins cher de consommer des choses qui viennent d'Amérique du Sud plutôt que de la région française juste à côté? Et donc il y a ça, il y a aussi sur le mode de transport, pourquoi c'est plus cher de se déplacer en train plutôt qu'en avion. Et c'est bien sûr pour changer, il faut changer sa manière de consommer, sa manière de vivre, mais il faut se donner les moyens. Est-ce que changer nos modes de consommation, Valérie Masson-Delmotte, c'est absolument essentiel dans cette action et dans cette prise de conscience de la question climatique? C'est un des résultats intéressants du rapport du GIEC sur 1,5 degré, donc sur l'évaluation des connaissances scientifiques, qui montre qu'il y a des transitions qui sont celles de grands systèmes énergétiques, gestion des terres, urbains, infrastructures ou industrielles, mais il y a aussi des choses qui relèvent de la demande. Et si on agit sur notre demande d'énergie, si on agit sur notre demande de matériaux non renouvelables et si on agit sur notre demande alimentaire, en particulier sur les protéines animales, alors les systèmes qui nous fournissent nos besoins sont beaucoup plus faciles à transformer parce qu'ils sont moins amples ou moins amplifiés. Et Donc c'est loin d'être anecdotique, les exemples que nous citait Hugo, par exemple. Et en particulier par rapport aux synergies qu'on peut trouver entre l'action climat et l'amélioration du bien-être de tous, donc les objectifs du développement durable. Parce que finalement, les transports, la mobilité active, c'est mieux en termes de santé. Les régimes alimentaires qui optimisent les bénéfices en matière d'émissions de gaz à effet de serre ou d'aspects environnementaux, c'est les mêmes que The Lancet recommande en termes de bien-être pour vivre en bonne santé longtemps. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'intègrent sur une vision, en fait, d'un développement soutenable. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de pas simplement mettre dans une boîte la partie climat et action climat, mais de l'intégrer, en fait, aux transformations qui sont nécessaires pour d'autres aspects essentiels de la société, comme les aspects liés aux inégalités. Gilles Boeuf, à Bordeaux. Ben, complètement d'accord, en fait. Tout à l'heure, ça transparaissait dans les paroles de cette jeune Greta. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, en fait? Changer un modèle économique qui nous a amené dans la situation actuelle. Et ça, les jeunes l'ont bien senti. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, ils donnent des leçons. Non, les jeunes ne nous donnent pas des leçons. Ils nous disent simplement que si on fait pas comme ça, ça va mal se terminer, notre histoire. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, qu'on abandonne? Une économie suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant la nature et le vivant ou en le surexploitant. Faut passer à autre chose. Ça, on l'a senti avec mon copain Thierry Marx, qui se préoccupe beaucoup d'alimentation, vous le connaissez bien, on a dit en protéines 20-80, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 20% d'usage de protéines animales. À la fois, ça sera excellent pour le climat. Si on faisait que ça, on aurait une grosse influence sur le climat. Et 80% de protéines végétales. Mmh. Et tout le reste est à l'avenant, en fait. Ce qui veut dire que ces jeunes-là, il n'est pas question de les amener à vivre dans des conditions pas possibles. Simplement, ils savent déjà qu'ils ne vivront ni comme leur maman, ni comme leur grand-maman. Et c'est ça, il faut les aider à cette transition-là, bien évidemment. Hugo et Pimprenel, quel est votre regard sur la classe politique aujourd'hui, justement, par rapport à ces questions essentielles pour l'humanité? Comment est-ce que vous aimeriez, en tout cas, interpeller les dirigeants, Pimprenel? Alors, je vais rebondir aussi ce qu'a dit Gilles Boeuf, juste avant, pas vivre comme notre maman ou notre grand-maman. Moi, ma mère, qui est végétarienne aussi, me raconte souvent cette histoire. Elle était en première ou terminale, donc ça remonte un petit peu, sans trop dire la date. Et elle est devenue végétarienne à la sortie d'un cours de Sciences Éco, où son prof leur a raconté comment, en Amérique du Sud, l'élevage appauvrissait les populations locales, participait à la déforestation. Donc c'est pas un problème qui est nouveau du tout. C'est quelque chose qui est très très ancien, enfin très ancien à notre échelle. Et donc oui, les décideurs politiques n'ont pas du tout pris la mesure de ce qu'il fallait faire, n'ont pris juste aucune mesure. Et maintenant, ils se retrouvent à devoir agir en bloc. Et plus on attend, plus on va devoir agir vite et fort. Hugo ? Oui, et justement, je rebondis sur ce avec quoi Pimprenel a terminé. Agir vite et fort. Hein. Et plus on attend pour prendre des actions fortes et qui répondent à l'urgence, plus en fait on va avoir du mal à opérer cette transition qui soit juste, en fait. Parce que plus on agit dans l'urgence, plus on laisse de personnes sur le côté, et plus ça devient, et plus on augmente les inégalités. Et on en parle dans le rapport du GIEC, justement. Alors justement, Valérie Masson-Delmotte, parce que quand même, il faut rappeler que ce travail, ces milliers de scientifiques du GIEC, c'est en direction des décideurs avant tout. Alors comment on explique ce blocage, cette inertie qui fait qu'aujourd'hui tout le monde se mobilise pour essayer de secouer le cocotier, justement? Bah, il faut regarder lucidement là où on en est. Dans le cadre de l'accord de Paris, les gouvernements ont mis sur la table leurs engagements, hein, les contributions nationales. Si elles se réalisent sans renforcement de l'ambition, on est sur une trajectoire qui conduirait à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés ou davantage, avec des conséquences potentiellement extrêmement sévères. Nous préparons également deux autres rapports du GIEC, donc l'un pour août sur le changement climatique et l'usage des terres, qui touche aussi à la question de la dégradation des terres, de la désertification ou de la sécurité alimentaire, et puis l'autre pour septembre qui porte sur le changement climatique, les océans et les glaces, la cryosphère. Et là, ça touche aux hautes montagnes, aux régions polaires, au littoral, avec la montée du niveau des mers. Tous les écosystèmes sont touchés. Aux océans et leurs écosystèmes, et puis les interdépendances avec les sociétés humaines. Et en fait, un réchauffement de l'ordre de 3 degrés ou davantage, ça va être compliqué à gérer, très honnêtement. Mais alors, sur l'inertie des hommes politiques, pour me répondre sur cette question-là? Bah pour l'instant, l'ambition, elle n'est pas à la hauteur, à la hauteur du défi. Et l'objectif de l'accord de Paris, qui est de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, ça vient d'une analyse à l'époque des risques que cela pose pour le développement. pour le bien-être humain, pour la préservation des écosystèmes, des choses qui sont essentielles. Gilles Boeuf. Donc on est devant cette contradiction où les gouvernements se fixent des objectifs mais ne se donnent pas les moyens d'y parvenir. Gilles Boeuf, vous avez été évidemment en première loge en tant que conseiller scientifique de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Environnement. Vous avez travaillé avec elle à partir de 2015. Qu'est-ce qui bloque chez les hommes politiques aujourd'hui? En fait, certains sont quand même persuadés et se battent pour des vraies convictions. J'ai avec Nicolas Hulot, c'est encore plus spectaculaire parce que Nicolas était aussi super engagé. Il avait plein d'idées intéressantes à développer. Ouais. Il s'est heurté à une espèce de système. En fait, aujourd'hui, il me dit tout le temps, je suis tout seul. On ne m'écoute pas. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut qu'on change quelque chose. Vous savez, je me dis souvent, en écoutant certains mouvements, il faut que ça passe dans les tripes, notre système. Là. Ça reste au niveau des neurones pour l'instant. Oui, c'est probablement grave, les scientifiques doivent avoir raison quelque part. Les jeunes bousculent tout ça. Comment est-ce qu'on fait passer ces questions-là? C'est ce qui a été lancé au début de la manif des Gilets jaunes. Ça avait été très beau comme terme. Hein. D'un côté, la fin du monde, de l'autre, la fin du mois. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, on met en priorité, c'est aussi un appel qu'on avait fait à la fin du mois d'août avec différents scientifiques dans les revues de l'été, on ne fera plus confiance à aucun gouvernement, c'est ce que disent les jeunes d'aujourd'hui, qui ne mettent pas en super priorité ces questions-là. Ouais. Le reste, c'est secondaire. Allez, justement, c'est dans vos tripes, Hugo et Pimprenel, cette affaire de totalement, climat totalement. Vous le ressentez comme ça? Pour moi, c'est... En fait, quand j'étais petit, je ne m'intéressais pas forcément à ça. Moi, je voulais devenir astrophysicien de base. Ouais. Et en fait, quand j'ai compris l'urgence de la situation, donc en grandissant au fur et à mesure, je me suis dit, mais à quoi ça sert de vouloir... d'avoir la tête dans les étoiles, si ce qui se passe sur Terre n'est pas viable. Et du coup, c'est comme ça que j'ai changé un peu ma façon de voir les choses. Mmh. Et je ne me suis pas demandé qu'est-ce que je veux faire, je me suis demandé qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer un avenir et pour assurer une société plus juste et moins inégalitaire et surtout viable. D'astrophysicien, vous êtes passé à l'environnement. Hein. Et du coup, aujourd'hui, je suis... Pimprenel, vous aussi, vous l'avez chevillé au corps, ce combat? Complètement. Ouais. Complètement. Le 22 février, justement, la mobilisation, on est parti d'Opéra. Et moi, de voir autant de monde regroupé pour bouger, pour se mobiliser tous ensemble, mais moi, ça m'a fait... ça m'a vraiment pris au trip dans le sens propre du terme. Ça m'a ému, vraiment. Et donc vous allez continuer vendredi pour cette journée. Arnaud nous dit ceci, Valérie Masson-Delmotte, au collège ou au lycée, nous étudions l'histoire. Pourquoi de nos jours n'avons-nous pas des cours de futur, des cours sur l'avenir, des cours sur l'écologie, même en parler quelques minutes par semaine? C'est intéressant ça. Oui, tout à fait. C'est important parce que justement, on explore l'avenir avec des outils qui nous permettent d'anticiper les conséquences des choix qui sont faits aujourd'hui. C'était aussi d'ailleurs ma réaction par rapport aux questions du grand débat national. Beaucoup de choses étaient portées sur la situation d'aujourd'hui, mais pas assez de questions permettaient de se projeter sur le futur que l'on souhaite construire. Et je pense que cette question-là, elle est essentielle, avec une dimension qui est importante, qui porte sur les inégalités, l'aspect de préservation de la biodiversité et l'aspect climat qui fait partie de ces choses clés qui vont façonner les évolutions à venir. Allez, Hugo et Pimprenel, 30 secondes chacun pour terminer l'émission, pour convaincre tous ceux, toutes celles et ceux qui n'ont pas encore forcément décidé d'aller marcher vendredi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Hugo? Lisez le rapport du GIEC. Vous comprendrez l'urgence. Et puis, aujourd'hui, on se bouge pour notre avenir, pour la société dans laquelle on veut vivre, pour la planète sur laquelle on veut vivre. Et du coup, c'est très, très important de montrer qu'on n'est pas insensible à tout ça. Et du coup, j'appelle évidemment tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui sont en moyen de venir à cette grève et de se mobiliser. Et j'appelle aussi le gouvernement et surtout Emmanuel Macron à entendre les jeunes et notamment à participer au débat à l'invitation au débat qu'on lui a proposé. Pimprenel, allez, le mot de la fin. Ouais, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Et en plus, je rajouterais que on a tous envie de pouvoir choisir notre avenir. On a tous envie de pouvoir choisir le monde dans lequel on a envie de vivre. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on laisse les décideurs politiques choisir à notre place. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que les décisions qui ont été prises ne sont pas forcément celles qui sont le mieux pour nous et nos futurs enfants. Merci beaucoup. Jour. En tout cas, Valérie Masson-Delmotte, si on veut un peu de lecture, on peut aller sur quel site, par exemple, pour se procurer le rapport du GIEC et Alors, le en anglais, ipcc.ch. Hein. En français, il faut chercher la traduction citoyenne non officielle et participative. C'est sur Wikisource. Et l'illustration de notre rapport, c'est Très une artiste vite. Américaine qui l'a intitulé « Le temps du choix ». Merci beaucoup à tous. Merci Gilles Boeuf et bonne manifestation vendredi.